France Inter. À portée de voix. À la maison, en voiture ou sur votre téléphone. France Inter arrive sur les assistants vocaux. Les dossiers les plus passionnants d'affaires sensibles. Oli et ses histoires pour les enfants. Vos émissions en direct. Le meilleur de France Inter est désormais à portée de voix. Toutes les infos sur franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un Indien dans la ville, la visite de Raoni à Paris. Il y a 30 ans, le 12 avril 89, les Français découvrent pour la première fois, en direct à la télé, le visage d'un homme semblant surgir d'un autre siècle. Coiffé de sa parure de plumes jaunes, maquillé de ses peintures de chef de guerre, et arborant fièrement son labret rond traditionnel en bois qui lui distend la lèvre inférieure, voici donc le cacique Raoni, chef des Indiens Kayapos, une tribu amérindienne. Face à la caméra, cet homme dénonce le péril qui plane sur son peuple, les menaces qui assaillent les tribus indiennes du Brésil, et enfin le danger qui guette l'humanité tout entière, la déforestation. Première étape d'un tour du monde de 60 jours qui va le conduire dans 17 pays, le voyage de Raoni à Paris au printemps 89 est considéré aujourd'hui encore comme le moment fondateur d'une prise de conscience planétaire pour la biodiversité et la sauvegarde de l'Amazonie. Nos invités aujourd'hui, en studio, le réalisateur Gert Peter Bruch, fondateur de l'association Planète Amazon. Il se bat depuis plus de 30 ans pour soutenir les peuples autochtones dans leur combat contre la déforestation. Et avec nous par téléphone, Saba Rahmani, journaliste indépendante et collaboratrice au quotidien Le Monde, rédactrice en chef par ailleurs, en chef adjointe, du magazine Kaizen. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il y a des peuples aujourd'hui en voie de disparition. Tous les peuples que nous appelons primitifs sont en voie de disparition. Je pense qu'il faut faire là des distinctions entre, par exemple, ces grandes sociétés africaines qui sont en train de faire leur transition vers des formes de vie modernes. Ceux-là s'en tireront vraisemblablement. Mais si nous comparons alors ces petites populations du Brésil central ou de la Nouvelle-Guinée, ou d'autres régions d'Océanie ou d'Amérique du Nord avant la grande extermination des Indiens américains, ben, ceux-là disparaissent, ils disparaissent à toute allure. Et en ce moment même, on est en train de percer au Brésil une route dite la route transamazonienne et qui sonne certainement le glas des dernières populations que j'ai connues dans un état de plus ou moins grande liberté. À l'automne 1971, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss témoigne au micro de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie sur France Inter de son inquiétude pour l'avenir des sociétés primitives en Amérique du Sud. De retour d'un voyage en Amazonie, il dénonce, je le cite, « les ambitions démesurées d'une humanité technologique et développée qui dénie aux peuples différents d'elles-mêmes le droit d'être considérés comme des humains à part entière ». Une humanité, poursuit-il, qui s'approprie des territoires et des ressources sans tenir compte des conséquences pour ceux qui y vivent déjà. Claude Lévi-Strauss en veut pour preuve l'extravagant projet de construction d'une route de plus de 4000 km qui doit traverser le continent sud-américain d'est en ouest pour relier la côte atlantique du Brésil aux frontières du Pérou. Un axe qui a pour nom la Transamazonienne, qui passe donc, comme son nom l'indique, au cœur de la forêt tropicale. Lorsqu'on survole l'Amazonie en avion, ce projet pharaonique prend tout son sens. Ou plutôt, il fait prendre conscience du désastre écologique à venir. En contrebas, en effet, on aperçoit le vert, dense, profond de la forêt primaire. Or, une large bande de boue jaunâtre la saigne par endroits. À la jumelle, on distingue sur ce tronçon des bulldozers et des pelleteuses qui dévorent l'épaisse muraille d'arbres et s'enfoncent chaque jour un peu plus au cœur de cette nature jusqu'ici sauvage et fragile. Dans leur sillage apparaissent d'obscures nappes de fumée qui s'échappent du sol. Par milliers, des paysans sont en train de brûler des centaines d'hectares afin d'en faire des terres cultivables. Un chiffre, un seul, permet de saisir l'ampleur de la catastrophe. Chaque année en Amazonie, c'est une surface équivalente à celle du Portugal qui est rayée de la carte en temps de forêt. Décidé à la hâte par le nouveau gouvernement démocratique de Brasilia, ce projet de route entend combattre l'isolement des régions centrales du pays et favoriser le développement de l'agriculture. Mais pour Claude Lévi-Strauss, ce projet irraisonné autant qu'irraisonnable risque de détruire l'équilibre naturel. Et pire encore, il va provoquer la disparition des fragiles sociétés et groupes ethniques qui y vivent, les Indiens d'Amazonie. C'est une forêt très très serrée, une forêt qui fait comme un mur vert. On ne voit rien à travers, on ne voit même pas le soleil quelquefois. On regarde vers le haut, on voit cette toiture verte. Ce sont des lianes partout, c'est très difficile à marcher là-dedans, c'est très humide, très chaud. C'est la forêt tropicale. Quoi. La forêt tropicale, très dense. Et ça représente une proportion de combien par rapport au reste du pays? Ou à peu près la quatrième partie de tout le Brésil, même peut-être un peu plus. Parmi ceux qui tentent d'approcher les Indiens, il y a l'ethnologue brésilienne Vilma Chiara Schultz, que vous venez d'entendre. Pionnière dans l'étude des populations indigènes du Brésil, elle se bat pour le respect du droit des groupes autochtones et pour la sauvegarde de la forêt amazonienne, plus importante réserve naturelle de la planète pour la faune et la flore. Malgré la création d'un parc national et d'une loi censée protéger leur existence, les Indiens du Brésil et leur mode de vie sont menacés. Ultime recours pour sauvegarder leurs traditions ancestrales, certaines tribus nomades sont contraintes d'éviter les bords du gigantesque fleuve Amazon. À leur place, les hommes venus de la ville s'installent et construisent maisons en béton, toits de zinc et autres infrastructures pour transporter bois, minerais et cargaisons en tout genre. Conséquence, pour aller au contact des Indiens, il faut à Vilma Chiara Schultz remonter très haut sur les affluents du fleuve, dans des endroits reculés où la cueillette, la pêche et la chasse, fondement même de la vie des tribus, sont rendus difficiles par une nature devenue hostile. Ces migrations à répétition engendrent une diminution significative des populations d'Indiens d'Amazonie, comme en atteste en 1973 le rapport de la Fondation nationale des Indiens du Brésil, la FUNAI. D'après les informations collectées par les équipes de la FUNAI sur le terrain, on recense entre 50 000 et 80 000 indigènes vivant dans des territoires éloignés des fleuves et de la savane. Ces derniers sont répartis en plus de 200 ethnies. Toujours d'après les chiffres dont nous disposons, la population des Indiens a été divisée par 10 depuis le début du siècle, et cette même population pourrait de nouveau être divisée par 2, voire par 3, d'ici l'an 2000. Des engins de chantier qui engloutissent des pans de forêt entiers sur des dizaines de kilomètres. Des paysans et des grands propriétaires qui brûlent par milliers les arbres pour s'accaparer et cultiver la terre. À ce sombre tableau s'ajoute un phénomène nouveau lié à la découverte d'une ressource dont regorgeraient les sous-sols de l'Amazonie, l'or. Qu'ils soient explorateurs, trafiquants ou orpailleurs, ils viennent par centaines tenter leur chance chaque semaine dans la jungle, avec l'espoir de trouver le bon filon et, bien sûr, faire fortune. Mais comme toute industrie, l'orpaillage pollue et abîme les sols. Pour séparer l'or de la boue, en effet, les chercheurs ont recours à un poison qui tue la forêt, le mercure. Pour récupérer un kilo d'or, on estime qu'il faut déverser au moins un litre de cette substance qui s'infiltre ensuite dans les nappes phréatiques et qui rejoint les rivières, là même, où à quelques kilomètres en aval, les Indiens et leur bétail prélèvent l'eau. C'est dans ce contexte qu'un jeune cinéaste belge va réaliser un documentaire inédit sur le combat d'une tribu indigène pour la sauvegarde de son territoire. Un film qui va par la même occasion montrer aux yeux du monde le péril qui plane sur la forêt amazonienne. « Au printemps 73, dans la vallée du Rio Xingu, située dans le Mato Grosso, au centre du Brésil, l'ethnie des Indiens Kayapos vit au rythme de ses traditions. L'une des particularités de ces tribus, qui les distingue de beaucoup d'autres, c'est ce labret, disque de bois peint de façon cérémonielle, que les hommes adultes portent sous la lèvre inférieure. À l'origine, les différentes tribus Kayapos étaient nomades. Elles se déplaçaient en fonction des saisons, du gibier, se regroupaient par famille et s'alliaient lors de guerres pour conquérir de nouveaux territoires. Il était fréquent de les observer aux abords du fleuve Xingu, l'un des derniers affluents non pollués de l'Amazone. Parmi ceux qui les étudient, il y a l'ethnologue brésilien Eduardo Leroux. C'est un groupe de 800 Indiens plus ou moins, de 0 à 90 ans d'âge, peut-être parfois un peu plus, parce que l'Indien ne sait pas vraiment son âge. On peut découvrir son âge d'après le nombre de générations qu'il a déjà procréées, quoi. Donc, je peux voir encore toute la responsabilité, l'intégrité de chaque parent, de chaque père de famille intact, les soucis pour les ornements, les parures, la peinture corporelle. J'étais émerveillé pour voir la qualité des objets ethnographiques. Je puis constater de mes yeux encore l'état intact, comme si c'était à 300 ans, à 400 ans en arrière. Seulement voilà, depuis quelques mois, l'équilibre de vie de cette communauté indigène se trouve menacé. À tout juste quelques kilomètres du campement résonnent des bruits inquiétants. Jusqu'ici, les Indiens Kayapos n'ont eu que très peu de contact avec le monde extérieur. Certains d'entre eux, comme l'un de leurs chefs de tribu, le cacique Raoni Metutirk, ont par le passé rencontré, aidé et guidé des explorateurs. Des expériences qui ont eu parfois des conséquences douloureuses. Sans s'en rendre compte, en effet, les étrangers ont transmis aux Indiens des maladies comme la grippe, la tuberculose ou la malaria. Des villages entiers ont été contaminés puis décimés. De ces épisodes est née chez les Indiens une crainte et une détestation de l'homme blanc. Été 1973. Par une nuit pluvieuse, un jeune homme remonte les affluents du fleuve Amazon sur une petite pirogue. Il a 24 ans, il est belge, il s'appelle Jean-Pierre Dutilleux. Désireux de rencontrer les populations primitives qui vivent en Amazonie, il tente depuis plusieurs mois d'aller à leur contact. Ce soir, il a rendez-vous sur le territoire de la tribu des Kayapos. Tout autour du fleuve, tout est silencieux, comme endormi. Les rives, elles, demeurent sombres. Après plusieurs heures d'une navigation dangereuse entre les branches, les racines géantes et parfois contre le courant, Jean-Pierre Dutilleux et son guide arrivent à l'endroit convenu. Là, sur les rives enfumées par les vapeurs des pluies tropicales, à la lumière de quelques torches, les deux hommes distinguent des femmes, des enfants, mais surtout les guerriers de la tribu, armés de leurs arcs, de leurs flèches et de leurs massues. Tous les observent. Les Indiens ont été prévenus quelques jours auparavant de leur venue et ont accepté de les recevoir. Avec lui, Jean-Pierre Dutilleux tient entre ses mains sa petite caméra Beaulieu 16 mm emballée dans un vieux jean. Une sacoche avec des pellicules et un message à l'intention des chefs Kayapos. Des années après, le réalisateur revient sur cette rencontre. Plusieurs centaines de personnes descendent lentement vers la berge. Je suis alors saisi par une étrange sensation à la fois d'extase et de terreur. Lorsque le canot touche enfin la berge, je me dresse face à cette tribu rassemblée dans le halo des torches. Avec leurs yeux brillants, leurs longs cheveux noirs, leur corps luisant d'une teinture sombre, leur bouche déformée par des plateaux rouge sang, et dans leurs mains des sortes de massues en bois. Reprenant mon souffle, je me mets à lire le message écrit en phonétique que j'ai apporté avec moi. Je braque ma lampe de poche dessus et lis d'une voix ferme sans comprendre un traître mot. Sort alors du rang un Indien plus grand, plus fort, plus impressionnant encore que les autres. C'est Raoni. La rencontre entre le chef Raoni et cet étrange visiteur venu de la ville est brutale. À 1 mètre, l'un en face de l'autre, deux mondes s'observent et se dévisagent. Mais une relation de confiance se noue entre le chef indien et son invité. Dans la foulée, Raoni accepte de laisser Jean-Pierre filmer dans le village. C'est un privilège exceptionnel. Très vite pourtant, le cinéaste rend compte que les Indiens le fuient, qu'ici l'ambiance est à la tristesse et l'humeur à la résignation. Pour lui faire comprendre les raisons de ce malaise, Raoni emmène Jean-Pierre Dutilly aux frontières de la forêt. Là, dans un nuage de poussière et un bruit assourdissant, le jeune réalisateur aperçoit les bulldozers appartenant à des entreprises forestières ou minières. Oui, les machines s'attaquent aux arbres. Elles les démolissent et détruisent tout ce qui se trouve sur leur passage. Face à elles, les flèches des Indiens ne peuvent rien. Quelques mois plus tard, Jean-Pierre Dutilleux retourne voir Raoni dans son village. Le jeune réalisateur propose à celui qui est désormais devenu grand chef indien de tourner un film sur les conditions de vie des tribus Kayapos. Il s'agit d'alerter le monde entier du danger qui guette. Officiellement, la constitution brésilienne reconnaît aux Indiens des droits. Ils ont aussi une fondation pour les protéger, la FUNAI. Mais dans la pratique, les responsables politiques et les grands propriétaires terriens les considèrent comme des sous-hommes, des nuisibles. Et leurs revendications pour la protection de la forêt ne sont jamais prises en compte. Comme en témoignera plus tard le chef Raoni lors d'une interview accordée à TF1. Le blanc ne pense pas comme nous, le blanc ne pense qu'à lui-même. Il pense qu'aujourd'hui, toujours les blancs veulent leur mort. Avec le documentaire de Jean-Pierre Dutilleux, intitulé tout simplement Raoni, le monde découvre les visages et les habitudes de cette tribu indienne qui semble sortir du droit d'un autre temps. Dans sa version anglaise, narrée par l'acteur américain Marlon Brando, lui-même très attaché au respect des droits des populations indigènes, le film connaît un grand succès outre-Atlantique. Présenté dans la foulée au Festival de Cannes et nominé aux Oscars en 79, s'il vous plaît, l'œuvre se présente comme un premier pas dans cette dénonciation de la voracité des Blancs. Au début des années 80, les machines du monde industriel continuent en effet de dévorer la forêt. Les tribus indiennes d'Amazonie sont au pied du mur. Leur territoire se réduit et comble de cette situation au cœur de leurs espaces de vie, l'État brésilien ambitionne de construire des barrages hydroélectriques. Certains groupes indigènes se lancent alors dans des opérations de sabotage ou des attaques meurtrières contre des hommes blancs. Des actes qui tournent souvent en leur défaveur, tant le rapport de force est ici disproportionné. De son côté, Jean-Pierre Dutilleux continue ses efforts pour tenter de promouvoir la cause et les revendications des Indiens. Il fait venir en Amazonie le journaliste et propriétaire du magazine actuel, Jean-François Bizot. Le mois suivant, Raoni fera la une de ce même magazine. Ensuite, c'est un coup magistral que réussit Dutilleux. À la fin de l'année 87, il convainc le chanteur Sting de rencontrer le chef indien chez lui, dans la forêt, lors de sa prochaine tournée au Brésil. L'épisode fera date et la photo de la star du rock avec Raoni fait le tour du monde. À cela s'ajoute le message de Sting dans les médias. Les raisons de mon combat, c'est mon ami Raoni, celui que vous voyez à côté de moi. C'est mon héros. Cela fait 30 ans qu'il se bagarre pour sauver la forêt. Il ne se bat pas seulement pour son peuple, pour ses enfants et ses petits-enfants, mais aussi pour mes enfants. La survie de la forêt amazonienne est importante pour le monde entier. Alors Raoni, c'est notre leader, le chef. Quelques mois plus tard, lors d'un concert géant à Sao Paulo pour Amnesty International, Sting, encore lui, invite cette fois Raoni sur scène et profite de l'interlude entre deux chansons pour afficher son engagement aux côtés des Indiens. Ici au Brésil, on dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, lance la star du rock à une foule médusée. Puis le chanteur poursuit d'un ton grave, ce n'est pas vrai, ils existent ces prisonniers, et ces prisonniers, ce sont les Indiens. Dans un clip vidéo, cette fois diffusé dans le monde entier, Sting dénoncera par la suite le péril qui plane sur nous tous. Voici la forêt en 1900, ici aujourd'hui, et ici dans 30 ans si ça continue. Les poumons de mort, au Nouveau Sahara. La forêt brûle, la planète se réchauffe, le pire est à craindre. Au cours des semaines qui vont suivre, Jean-Pierre Dufilleux se lance dans un pari fou. Faire venir Raoni en France, oui, pour qu'il témoigne de son combat et de l'urgence de sauver la forêt. Pour le réalisateur, les événements vont s'enchaîner d'une manière inespérée. C'est d'abord le président du Brésil en personne, José Sarney, qui délivre à Raoni les papiers d'identité. Puis, en France, ce sont le magazine Paris Match et la chaîne de télé TF1 qui proposent de consacrer plusieurs reportages au chef indien. TF1 insiste même pour l'accueillir sur son plateau pour un 20h avec Patrick Poivre d'Arvor, puis pour une émission de son programme Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault. En parallèle, des personnalités de la scène politique et culturelle acceptent de rencontrer Raoni lors de son passage dans la capitale. Tout est fin prêt lorsque le samedi 8 avril 1989, le vol Air France 096 en provenance de Rio se pose à l'aéroport de Roissy. À la guérite du poste de police de l'air et des frontières, l'agent en faction ne croit pas ses yeux. En face de lui, un étrange voyageur au visage maquillé de noir, avec sur sa tête une coiffe de plumes colorées et au niveau de sa bouche un curieux plateau rond de couleur rouge qui lui déforme la lèvre inférieure. Voilà pour le portrait. Après quelques instants d'hésitation, le policier tamponne le passeport au nom de Raoni Metuktir. Le chef indien est officiellement reçu en France. Accompagné par Jean-Pierre Dutilleux, Raoni est accueilli par le journaliste Patrick Bahé de Paris Match. Ensuite, il s'engouffre dans une voiture qui file bientôt sur l'autoroute, puis sur le périphérique. Assis à l'arrière, Raoni reste silencieux. Il fume sa pipe et il observe. À peine a-t-il le temps d'apercevoir la tour Eiffel que le véhicule plonge déjà dans le tunnel de Saint-Cloud avant d'arriver en forêt de Rambouillet où une maison a été mise à sa disposition loin du tumulte de la ville. En quelques heures de vol, Raoni a dû faire un apprentissage accéléré du siècle et du monde dans lequel il débarque. Et, bien sûr, le choc des cultures, pour lui, c'est d'abord le choc du béton. En marchant dans la forêt de Rambouillet, je m'interroge sur la nudité des arbres. Aucun d'eux n'a de feuilles. Des branches petites et grandes jonchent le sol. Jean-Pierre m'explique alors que, contrairement aux apparences, les arbres ne sont pas morts et que leurs feuilles repousseront au printemps. Je contemple cette forêt qui me semble si étrange et je pense aux arbres d'Amazonie. Des milliers d'entre eux disparaissent chaque jour et je sais qu'aucun ne reverdira à leur place au printemps. La plus grande surprise de Raoni, racontera le rédacteur en chef adjoint du magazine Paris Match, Patrick Mahé, c'est sa rencontre avec la télé. On lui met entre les mains une télécommande. Il tente de l'apprivoiser et se lance dans un incroyable zapping, mélangeant les boutons de lumière, de couleurs et de sons, sans pouvoir maîtriser le volume qui, poussé à fond, le fait sursauter. Lorsque le calme revient, le chef indien découvre alors le visage de Gilux, qui anime ce soir-là Interglace. Le contraste est saisissant. Après 3 jours d'acclimatation, sous le regard bienveillant et avec l'aide de son ami Jean-Pierre Dutilleux, Raoni part pour les studios de TF1, rue Cognac-Jay. En cette soirée du 12 avril, le journal de 20h de la première chaîne commence. Assis face au présentateur, Patrick Poivre d'Arvor, l'Indien a revêtu ses habits, ses accessoires et son maquillage de chef de guerre. Il est prêt à parler aux Français. Blood will flow, flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Bye. final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. From a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Place maintenant à notre invité, un invité pas comme les autres. Il s'appelle Raoni, on pense qu'il a 57 ans, c'est approximatif, il n'en est pas sûr lui-même. Il vit dans la forêt amazonienne. Raoni, est-ce que vous savez que pour nous aussi, ça nous intéresse beaucoup l'Amazonie, parce que cette forêt est le poumon du monde et qu'on a besoin de son oxygène. Est-ce que vous aviez pensé à cet aspect des choses? Eu preciso também porque... É por isso que eu venho aqui, para avisar para todo mundo. Nós vamos deixar onde tem mato, onde tem árvore. Não é só nós índios que vai acabar. O branco vai acabar tudo também. Ele diz que se nós continuarmos a destruir todas as florestas, não somente nós vamos destruir os animais, as rivières, etc. E os índios mesmo, mas todo mundo vai morrer. Et est-ce qu'il veut prévenir ses amis, les Indiens, qui eux n'ont jamais vu de blanc de leur vie, que les blancs peuvent être dangereux? Mercredi 12 avril 1989, la France a rendez-vous pour la grand-messe du journal de 20h. Ce soir, sur TF1, le programme est exceptionnel. L'invité de Patrick Poivre d'Arvor, c'est le chef indien Raoni. Comme à son habitude, PPDA apparaît au générique entre sourire et gravité. Il annonce les titres. Puis la caméra se tourne vers son invité. Un homme torse nu, visage noirci de cendre, auréolé de plumes bleues et rouges et dont la lèvre inférieure est distendue par un étrange objet de bois qui bouge au rythme de ses paroles. La caméra zoome en gros plan sur ce regard grave. Interrogé sur la situation de son peuple et sur son combat, le chef Raoni répond dans un mélange de langues portugaises et de dialectes kayapos. Assis à ses côtés, Jean-Pierre Dutilleux assure la traduction. Dans la région du fleuve Sindhu, 3000 frères indiens vivent en paix avec la nature. Briser l'équilibre de la nature revient à briser la vie de tous mes frères. Et progressivement à tuer l'homme, tous les hommes, et l'essence même de l'homme, notre planète. Au terme d'une vingtaine de minutes d'entretien, PPDA annonce que Raoni est également l'invité à 20h45 de l'émission Sacrée Soirée. Pour le chef indien et son traducteur, une folle course contre la montre commence. Car des studios de la première chaîne rue Cognac-G au plateau de l'émission situé derrière les buts de Chaumont, il y a tout Paris à traverser. et il reste en moins d'un quart d'heure avant le début de l'émission. Alors, pour réussir un tel pari, la chaîne a sorti les grands moyens. S'est allongé sur le brancard d'une ambulance, gyrophare et toute sirène hurlante, escorté par des motards de la police, que Raoni va traverser la capitale à plus de 120 km/h. Après un rodéo automobile d'une dizaine de minutes dans les rues de la capitale, Raoni arrive sur le plateau de Jean-Pierre Foucault. Face au présentateur, le chef indien raconte alors l'histoire de son peuple, la destinée tragique de sa forêt et le sort cruel qui guette l'humanité égoïste et suicidaire. L'animateur propose ensuite au public de visionner trois cartes qui donnent l'ampleur du phénomène. Sur la première, on y voit le Brésil d'hier et sa forêt poumon. Sur la seconde, le Brésil de 1989, tacheté de jaune-orangé à cause de la déforestation. Et enfin, sur la troisième, le Brésil de demain est transformé en désert. La soirée de TF1 est un succès. Le lendemain, un sondage révèle en effet que plus de 30% des Français ont entendu le message du chef indien. À cette victoire populaire, Jean-Pierre Dutilleux souhaite une victoire diplomatique. Depuis des semaines, son ami le journaliste Bernard Lenne multiplie les contacts auprès des personnalités de la scène politique française. Mais pour l'instant, la plupart des cabinets ministériels bottent en touche. En coulisses, une note confidentielle circule entre les conseillers du président Mitterrand. Selon les fonctionnaires du Quai d'Orsay, le Brésil pourrait interpréter toute rencontre officielle entre le chef Raoni et un représentant du gouvernement comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Le ministre Roland Dumas est donc partisan de limiter l'exposition avec Raoni. Jeudi 13 avril 1989, le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, accepte pourtant de recevoir le chef indien et le chanteur Sting. Au bout d'une demi-heure d'entretien, il annonce, à la surprise générale, que le président de la République lui-même, François Mitterrand, va les recevoir. Présent aux côtés de Raoni, Jean-Pierre Dutilleux raconte. Une grande porte s'est alors ouverte. Le président était là, face à nous. Il s'est approché, puis il nous a longuement serré la main. Ensuite, nous nous sommes assis pour discuter. François Mitterrand nous écoutait et semblait prendre notre démarche très au sérieux. Puis soudain, Raoni s'est levé. Il est venu se placer juste en face du président. Il a mis sa main sur le front de Mitterrand et, étonné, il a dit « Mais où sont passés vos cheveux ?» Cela a beaucoup amusé le président. Ce dernier a même accepté que Raoni lui mette sur la tête son couvre-chef en plume d'apparat. Ainsi se termine la visite de Raoni à Paris. L'écho de sa rencontre avec François Mitterrand est planétaire. S'ensuit une escale express en Belgique, puis en Suisse, et enfin à Rome, aux côtés de Sting, décidément fidèle, et de Jean-Pierre Dutilleux, sans oublier une rencontre avec le pape. Les Brésiliens, très croyants et pratiquants, considèrent le souverain pontife au-dessus de leur président. La photo de Raoni avec Jean-Paul II est donc un boomerang diplomatique et spirituel qui revient en pleine face du gouvernement de Brasilia. Ensuite, tout s'accélère. Du roi d'Espagne au prince Charles, de Los Angeles à Tokyo en passant par Sydney, en l'espace de 60 jours, Raoni poursuit un tour du monde au rythme effréné. Il rencontre les principaux leaders d'opinion et surtout médiatise son combat. Les dons affluent pour sa fondation Rainforest et Raoni devient l'ambassadeur mondial de la défense de l'Amazonie. Quatre ans plus tard, en 1993, les Indiens d'Amazonie obtiennent une première victoire. Le gouvernement brésilien, sous pression de la communauté internationale et des associations de sauvegarde de l'environnement, accepte enfin de démarquer et délimiter les territoires indigènes du Brésil, ceux des Indiens Kayapos et des tribus de la région du Xingu. Brasilia crée alors la plus grande réserve de forêt tropicale de la planète. Voilà, les problèmes des Indiens sont-ils terminés ? L'Amazonie va-t-elle être préservée? Onze ans après son voyage à Paris, au printemps 2000, le chef Raoni est de retour dans la capitale française, sur invitation cette fois et officielle du président de la République d'alors, Jacques Chirac. Face aux journalistes qui l'interrogent, Raoni dénonce les pratiques en cours dans la forêt, la multiplication du braconnage, la déforestation illégale et les orpaillages. Il évoque également la corruption qui gangrène la FUNAI, la Fondation des Indiens, et le ministère de l'Écologie, Les paysans, explique Raoni, continuent à défricher les terres sauvages en toute impunité, l'État brésilien laisse faire. Une décennie après son tour du monde, le bilan que tire l'ancien chef indien est sévère, et il va s'aggraver au fil des ans. À la fin des années 2000, Raoni est obligé de reprendre les armes contre l'État brésilien qui souhaite cette fois installer un barrage hydroélectrique géant sur le fleuve Xingu. Le lac des rétentions d'eau créé engloutirait plusieurs centaines d'hectares de forêt et obligerait les populations indigènes à abandonner leurs villages. Une catastrophe écologique autant qu'humaine. Le 2 février 2018, en pleine campagne pour l'élection présidentielle brésilienne, Raoni, le défenseur de la forêt amazonienne, voit surgir un nouvel ennemi en la présence du candidat populiste Jair Bolsonaro, celui qu'on surnomme déjà le Trump tropical, annonce à la télévision que s'il devait assumer les fonctions de chef d'État, l'Indien n'aurait plus un centimètre de terre au Brésil. Prenez par exemple une réserve comme celle des Yanomami. Ce sont 9000 indigènes. Ici, nous sommes dans l'État de Rio. Eh bien, leur réserve fait deux fois la taille de l'État de Rio. N'allez pas me dire qu'il n'y a pas ici quelque chose d'anormal. Élu président du Brésil en octobre 2018, Bolsonaro a décidé de dessaisir la Fondation Nationale pour les Indiens, la FUNAI, au profit du ministère de l'Agriculture, et il a lancé un vaste programme d'exploitation des terres isolées, provoquant bien sûr la colère et la crainte des populations indigènes. Aujourd'hui, 30 ans après la visite de Raoni à Paris, les menaces qui pèsent sur la forêt amazonienne et sur les Indiens sont plus fortes que jamais. Malgré les accords de Rio en 92, le protocole de Kyoto en 97, les accords de Paris pour le climat en 2015, le poumon vert de la planète risque à terme de disparaître. Et avec lui, c'est l'humanité tout entière qui aura du mal à respirer. Tardei, mas cheguei enfim. Pra cada Deus um nó, cada conta o fio do rosário que eu vim banhar pra lhe dar. Tardei, tardei, tardei. Só na volta eu vi qual senda me levou, qual me trouxe aqui pra encontrar você. Onde está meu lugar? Desceu pelo rio da terra pro mar, um fio de prata que me leva. Tardei, tardei, tardei, que na vinda eu quis pela primeira vez. Nunca mais parti esperar você, o meu lugar. Onde está? Desceu pelo rio da terra pro mar, um fio de prata que me leva. Mm-hmm. écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la visite de Raoni à Paris en 1989 avec deux invités. Ici, à côté de moi en studio, le réalisateur Gert Peter Bruch, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'association Planète Amazon, vous vous battez depuis plus de 30 ans pour soutenir les peuples autochtones dans leur combat contre la déforestation, combat international. Vous êtes l'auteur d'un documentaire intitulé Terra Libre et consacré à la mobilisation internationale des peuples indigènes du Brésil. Également avec nous, par téléphone, Sabar Rahmani, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, oui, je vous entends très bien, parfait. Merci. Vous êtes journaliste indépendante et collaboratrice au quotidien Le Monde, rédactrice en chef par ailleurs, rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen. Vous êtes l'auteur avec Nicolas Boursier et Claire Gatinois d'une passionnante enquête en deux volets disponible sur le site internet du Monde. Enquête qui revient sur les coulisses de la dernière venue de Raoni à Paris et sur le rôle tenu par Jean-Pierre Dutilleux dans cette affaire qui devient pour le coup une affaire sensible, mais on en parlera dans quelques minutes. Gert-Peter Bruch, d'abord, vous étiez bénévole dans une association de défense de l'Amazonie en 89 lors de la venue de Raoni en France. Quel souvenir gardez-vous de ce passage? Qu'est-ce qui vous a frappé? C'est un moment extraordinaire. J'avais eu la chance de rencontrer Sting quelques mois plus tôt, qui était mon chanteur préféré. J'étais très jeune, oui. J'avais 17 ans en plus, quand je l'ai rencontré. Ans. Et il se trouve que la lutte pour les peuples d'Amazonie, les peuples indigènes, était ma passion. Donc quand les deux se sont rejoints, je me suis dit, je vais m'engager, c'est formidable. J'avais entendu parler de cette tournée. Et c'est vrai que le moment de cette rencontre avec le chef Raoni, qui était vraiment un personnage, qui est toujours un personnage extraordinaire, mais là, dans sa jeunesse, il était très impressionnant. C'était un moment magique. Je me souviens, j'étais sur le plateau de Sacrée Soirée, que vous avez évoqué. Mm-hmm. C'était un moment extraordinaire où il y avait vraiment cette première rencontre avec le grand public, le public français qui découvrait ce personnage et qui est tombé amoureux de ce personnage immédiatement. Et c'est vrai que la lutte du chef Raoni, le public français l'a embrassé immédiatement et a accompagné avec cœur tous ces voyages successifs jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a vraiment un lien très fort entre nous, le public français, et ce chef. Alors est-ce qu'on peut dire, parce que c'est l'essentiel, que ce voyage de 1989 a permis de grandes avancées, au moins des avancées pour la cause des Indiens et la cause de la forêt? Alors la forêt, je suis plus pessimiste parce que elle doit se battre contre des grandes puissances industrielles, et ça c'est dur. Mais pour les Indiens, étant donné que les deux sont liés, évidemment. Ça a été un déclic énorme. Déclic, c'est ça. Oui. Un déclic énorme et Sting a vraiment fait les choses sérieusement. Il a arrêté sa carrière, il faut le savoir. C'est très rare quand même qu'un chanteur arrête sa carrière pour une cause, et c'est ce qu'il a fait. Il a fait les choses assez sérieusement. Il est allé plusieurs fois au Brésil rencontrer les autorités et il a veillé à rester jusqu'au moment où la terre que voulait protéger Raoni soit vraiment démarquée, qui est le décret officiel en 94 du Brésil, et donc les plaques aussi montrant la démarcation avec le logo de sa fondation, Rainforest Foundation. Il a tenu à aller jusqu'au bout. Et en effet, ce territoire protégé a permis de faire la jonction avec d'autres territoires au Brésil et de protéger l'équivalent d'un tiers de la France, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, ça existe encore, ça existe toujours et plus que jamais, parce que si vous regardez une carte, vous voyez juste la forme de ce territoire qui a été protégé, alors qu'à l'époque, c'était virtuel. Vous voyez, il y avait un amas de forêt et c'était juste un trait virtuel. Aujourd'hui, ça existe vraiment par satellite. Vous pouvez voir le travail de Raoni et Sting. Voilà, donc de vraies avancées. Sabar Rahmani, Raoni est revenu en France au mois de mai dernier. Alors le contexte qui entoure sa venue est maintenant différent à cause du rôle joué par son vieil ami Jean-Pierre Dutilleux. Dans le récit, on l'a présenté pour ce qu'il était, c'est-à-dire ce qu'il a fait, pour ce chef indien, pour cette tribu, pour la forêt amazonienne. On ne peut pas le remettre en cause, ce sont des faits. Mais il y a autre chose sur laquelle vous avez enquêté. Que se passe-t-il autour de Dutilleux ? Ben, écoutez, c'est vrai que c'est Jean-Pierre Dutilleux qui a fait connaître au grand public Raoni, dans un premier temps avec un premier film en 73, puis en 78 avec la voix de Marlon Brando. Et ensuite, il a proposé à Sting de l'emmener en Amazonie, dans le village Kayapo du chef Kayapo Raoni. Et à partir de là, cette reconnaissance internationale, c'est ce qui a mis en valeur la cause, effectivement, des peuples d'Amazonie. Mais ce qu'il faut absolument resituer dans son contexte, c'est que la démarcation, elle a eu lieu grâce à Sting. Sans Sting et sans la fondation Rainforest Foundation, la débarcation n'aurait pas pu avoir lieu. Et si, effectivement, il faut reconnaître la présentation de Dutilleux à Sting, tout le reste, l'opération concrète, logistique, matérielle, légale, a été faite par l'équipe de Sting et de cette fondation, parce que Jean-Pierre Dutilleux a été exclu à la fin de la tournée par la fondation à cause des dérives financières et de l'argent dilapidé qui avait été relevé par les membres de l'association. Mmh. Vous avez rencontré, interviewé Jean-Pierre Dutilleux, quelle réponse? Oui, tout à fait, avec mon collègue Nicolas Boursier. Mmh. Ben, écoutez, lui, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, nous, en tout cas, ce qu'il nous a dit il y a 30 ans, c'est qu'il s'est retrouvé en minorité dans l'association et qu'il a été exclu, mais il n'a pas voulu nous en dire plus sur les raisons réelles. Mmh. Donc, nous, on a eu l'interview de Sting, de la directrice de la fondation, on a eu beaucoup de témoignages qui ont concordé dans le même sens, et pas que des membres de l'association. Il y a eu aussi des témoignages d'anthropologues très connus du Brésil, par exemple Sidney Pozuelo, il y a eu un anthropologue français, les présidents de l'association Survival International, qui est l'ONG la plus importante au niveau mondial de la cause des peuples indigènes, des anthropologues très sérieux, expérimentés, de terrain, qui connaissent très bien la situation et le contexte local, et qui ont mis en garde Sting et toutes personnes qui travaillaient avec M. Dutilleux, c'est eux qui le disent, sur ces actions qui sont pas toujours, de leur point de vue, honnêtes par rapport à la cause et qui prêtent à questions et interrogations. Et je précise à nos auditeurs que nous avons proposé, bien sûr, à Jean-Pierre Dutilleux de participer à cette émission. Il a refusé. Nous n'entendrons donc pas son point de vue, parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Peter Bruch, quel bilan tirez-vous maintenant de la campagne de 2019? Parce que le chef indien était là aussi en mai dernier. Hein. Alors, quelle étape ça représente, ça, cette dernière étape dans le temps? Bon, premièrement, on se parle en effet avec l'équipe de Sting, etc. Et nous, on estimait déjà, Planète Amazon, comme vous le savez, a accompagné le chef Raoni sur plusieurs tournées qu'on a organisées pour lui. Mmh. Et à partir de 2015, on a vraiment vu qu'il était fatigué, que c'était des épreuves pour lui et que c'était compliqué parce que voilà, on pouvait pas travailler avec lui de la même façon qu'avant, donc on était un peu obligé d'être en pilote automatique, donc on avait décidé de plus voyager avec lui. Donc cette tournée, je dirais que l'aspect positif, la rencontre avec le pape, des images avec des chefs d'État, c'est toujours bien parce que ça met la cause indigène vraiment au niveau international, au niveau du grand public. Ça fait qu'ils sont pas oubliés sous les projecteurs. Bien sûr. Au-delà de ça, ce qui est vraiment inquiétant, c'est le message étouffé. Et c'est pas la première fois que ça arrive avec Jean-Pierre Dutilleux. Déjà en 2011, il y avait des précédents où il avait fait taire le chef Raoni sur le barrage de Belo Monte. Ça avait provoqué une crise très grave qu'on avait réussi à juguler, mais bon. Et là, cette fois-ci, c'est vrai qu'on l'a pas entendu dénoncer Bolsonaro, qu'on l'a pas entendu dénoncer les grands barrages, que c'était vraiment des discours très policés, et qu'en ce qui concerne les campagnes même, c'est ça qui est assez inquiétant, elles sont bancales. Au mieux, et il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de projet détaillé, etc. J'ai vu que le chef, par le biais de cette équipe, demandait des fortes sommes d'argent, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On parle de murs de bambou, j'ai jamais entendu parler de murs de bambou pour démarquer des territoires indigènes, donc c'est la nouveauté de cette tournée. Donc, et il y a aussi une inquiétude vraiment très très forte de sa famille, des gens que je connais très bien, qui m'ont alerté, qui m'ont dit « mais ça ne va pas du tout, le chef Raoni ne reçoit pas de traduction correcte, il aurait dû voyager avec son traducteur officiel, ça ne lui a pas été permis ». Donc son neveu, le chef Mégaron, a alerté en fait le public, la presse, et ça n'a pas eu de conséquence parce que finalement il demandait à Jean-Pierre Dutilleux en l'interpellant « fais-nous voyager, on est prêt à partir et pour accompagner le chef correctement ». Et finalement ça n'a pas eu lieu. Donc moi je suis inquiet parce que je sais qu'il y a eu des rencontres avec beaucoup d'hommes d'affaires. Le co organisateur de la tournée est un homme d'affaires qui fait des grands barrages en Amazonie et qui fait aussi des projets carbone. Et le chef Raoni a combattu les deux. Donc on ne sait pas ce qui s'est dit dans les rendez-vous fermés, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment cette inquiétude légitime. On aimerait bien protéger la cause à travers ça et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts qui mettent en péril le combat du chef Raoni, parce que le chef Raoni, en fait, il n'appartient pas à Planète Amazon, il n'appartient pas à Jean-Pierre Dutilleux, il appartient avant tout à son peuple. Bien sûr. Et son combat appartient au monde entier et demain il appartiendra aux générations futures. Donc ça, il faut vraiment s'en souvenir. Donc notre action, il faut pas, quand je vous parle de ça, il faut pas confondre. C'est pas pour médire sur Jean-Pierre Dutilleux, etc. On est tous dans une volonté d'union. Il faut qu'on travaille ensemble. Oui. Où étaient les amis de Raoni pendant cette tournée Sting, Bernard Lavilliers, Hulot, etc., Paul Watson? Ils n'étaient pas là. Et c'est dommage. Si c'était le dernier voyage de Raoni, c'est un peu triste. Sabah Rahmani, que se passe-t-il à votre avis? Oui, alors moi je pense que ça se résume à une expression que les leaders indigènes ont eux-mêmes dit, et même le cacique Raoni que mon collègue Nicolas Boursier a rencontré sur place, il est allé faire un reportage il y a un mois dans son village, qui parlait de la malédiction de l'argent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les leaders indigènes et communautés sont devant un choix cornélien, c'est très difficile, et aujourd'hui Raoni est en une situation très vulnérable, donc peut-être influençable, parce que la situation de l'écologie sur place et d'acculturation sont extrêmement graves, et au Brésil avec Bolsonaro les choses s'empirent. Donc la situation, cette malédiction de l'argent comme il l'appelle, et il y a même des leaders autochtones qui ont fait une tribune dans le Monde il y a quelques semaines pour dénoncer cette tentation qu'il émet face à des choix très difficiles qu'on peut pas juger, parce que d'un côté, si quelqu'un arrive et leur dit voilà, on peut vous aider, vous apporter des millions d'euros, résoudre vos problèmes, comment eux qui n'ont pas le soutien politique local peuvent refuser cette aide. C'est pour ça que on peut pas juger la réponse de Raoni, même si elle peut paraître contradictoire à l'extérieur, parce que lui-même a dénoncé Jean-Pierre Dutilleux en dénonçant oui, il m'a pris de l'argent, oui, il a trop pris de choses, mais cette fois-ci, je lui ai fait promettre que tout l'argent récolté ira à notre communauté, même si c'était pas le cas avant. Enfin, tout ça, c'est lui-même qui le dit, c'est pas nous. Nous avons enquêté, nous l'avons interviewé. Il y a même des vidéos sur Internet qui circulent où il dénonce en des termes encore plus forts la situation dans laquelle il est. Et en même temps, on s'interroge, dans ce cas, pourquoi Raoni fait cette tournée? Voilà. Mais il faut resituer dans un contexte anthropologique qui est compliqué pour les leaders autochtones, mais en même temps, c'est aux citoyens et aux responsables politiques et industriels qui veulent les soutenir. C'est pas parce que c'est Raoni qui parle qu'il faut mettre l'argent n'importe où, n'importe comment, et puis ne pas contrôler ce qui se passe derrière, puisque ça concerne tout le monde. L'Amazonie appartient, les gardiens de l'Amazonie, ce sont les peuples autochtones, évidemment, mais la forêt est universelle et les conséquences appartiennent à l'humanité. Donc la vigilance est de mise. C'est pour ça qu'on a enquêté sur cette enquête. Vous voulez dire aussi que les enjeux écologiques et pour l'avenir dépassent finalement la représentation? Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Raoni est une image symbolique très très forte, très médiatique, très charismatique. C'est vrai qu'il ne passe pas inaperçu, c'est pas pour rien que depuis 30 ans il est connu et reconnu, mais il n'est que le symbole de toute une cause qui concerne tout le monde, qui concerne en premier lieu, parce qu'ils sont les premiers sur la ligne de front, les peuples indigènes, les peuples autochtones, et dans un deuxième temps, les citoyens du monde, puisque si les peuples autochtones disparaissent, ils ne pourront plus préserver cette forêt, et les conséquences viendront aussi en Occident, puisque nous, ce ne sont pas des peuples exotiques, nous sommes directement liés à ce qui leur arrive, puisque nous sommes les consommateurs de leurs matières premières, la déforestation, les richesses minières, le pétrole, tout ça, c'est pour alimenter qui? C'est pas pour alimenter les peuples autochtones, hein. Ils sont autonomes la plupart du temps. C'est pour alimenter le système de consommation occidentale. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Gert Peter Bruch, on n'a plus que 5 secondes. Non, mais je veux dire que c'est bien que les gens réalisent que ces chefs-là sont vulnérables, ouais. Et qu'il faut être très attentif, faites attention, et surtout soutenez les associations. Directement les associations indigènes, il y en a beaucoup, passez par elles directement. Très bien, ce sera le mot de la fin, un conseil pour mot de la fin. Merci, merci infiniment. C'est des affaires sensibles aujourd'hui, Raoni, la forêt amazonienne, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, et je l'en remercie, il y avait Philippe Duclos.